Personne n'a oublié cette image. Un jeune homme seul affrontant une colonne de chars et jouant une sorte de danse mortelle avec le blindé de tête. Quand l'engin essayait de passer à droite ou à gauche, aussitôt le jeune homme se précipitait pour le bloquer. Une danse mortelle, oui, car cet audacieux manifestant a fini par être appréhendé et selon toute vraisemblance, il a été fusillé séance tenante. C'était le 4 juin 1989 à Pékin, sur la célèbre place Tiananmen, le prélude à un massacre nocturne qui laissera sur le pavé plusieurs centaines de cadavres d'étudiants, peut-être même des milliers. Un épisode sanglant qui vaudra à la Chine populaire d'être quelque temps mise à l'écart de la communauté internationale et de subir un embargo sur les ventes d'armes. Mais, les années passant, et le commerce aidant, la Chine a recouvré sa place dans le concert des nations, et même si on n'a pas oublié l'image du jeune homme courageux prêt à périr sous les chenilles d'un char de l'armée populaire, les instances sportives internationales ont par exemple confié à la Chine l'organisation des prochains Jeux olympiques. Quant aux diplomates et aux industriels, ils sont chaque jour plus nombreux à faire le voyage de Pékin, tant il semble impossible et surtout improductif d'ignorer un pays et un marché de plus d'un milliard d'habitants. Tiananmen est donc passé par pertes et profits, et la politesse veut que les visiteurs n'évoquent pas ce sujet désagréable lorsqu'ils se rendent en Chine. Pourtant, le sujet reste d'actualité à l'intérieur même des plus hautes instances du Parti communiste. L'ombre de Tiananmen n'est toujours pas dissipée et pèsera longtemps sur le destin de la Chine, d'autant que l'on sait ce que cachait la funeste décision de mater par la force la rébellion des étudiants et comment cette décision a été prise au sommet de l'État. C'est le sujet de ce nouvel et étonnant entretien avec M. X. Selon lui, l'homme fort du pouvoir, Deng Xiaoping, est peut-être tombé dans un piège, à moins que ce petit homme subtil n'ait lui-même précipité les événements pour se débarrasser de quelques-uns de ses compagnons. Vous savez ce que signifie Tiananmen en mandarin ? Pas du tout, non. Ça veut dire la porte de la paix céleste. Et depuis juin 1989, jamais un endroit n'a si mal mérité son nom. Mais me direz-vous, le sang des étudiants a séché et le portrait géant de Mao domine toujours cette gigantesque place, l'orgueil des Pékinois. Ouais, comme s'il ne s'était rien passé. Exactement. Mais c'est une apparence, car il y a toujours débat, même s'il demeure feutré et le sujet reste brûlant. On en a eu la preuve au début 2005. À l'occasion de la mort de l'un des principaux acteurs de cette histoire, l'ancien secrétaire général du parti, Zhao Ziyang. Un dirigeant qui a été démissionné. Juste avant la répression de Tiananmen, oui, et qui, depuis le printemps de Pékin, vivait en résidence surveillée. Parce qu'il avait eu des sympathies pour le mouvement étudiant. En effet. Ouais. Et lorsqu'il est mort au mois de janvier, le pouvoir... C'est 2005. Oui, 2005. Le pouvoir a tout fait pour que la nouvelle passe inaperçue. Pire. Ceux qui ont voulu lui rendre hommage ont été dispersés et même tabassés par la police. Et on a à nouveau vu des cars de police stationnés sur la place Tiananmen. Parce qu'on craignait de nouvelles manifestations. Et les dirigeants communistes avaient de bonnes raisons de se méfier. Parce que ce sont les obsèques d'un autre dirigeant communiste réformateur qui ont été à l'origine de la rébellion étudiante de 1989. À qui Hu Yaobang. Un ancien secrétaire général du PC, lui aussi, démit de ses fonctions en 1987 parce qu'il était partisan d'une libéralisation du régime. Toutefois, Hu n'avait pas été entièrement écarté. Il a même été frappé par un violent malaise au cours d'une réunion du bureau politique, ce qui a naturellement donné lieu à des rumeurs. Des rumeurs d'assassinat, oui. Enfin, c'est ce que certains ont prétendu. La réalité, là. Je crois que Hu a réellement été victime d'une crise cardiaque. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'annonce de la disparition de ce dirigeant très populaire a provoqué une intense émotion. Surtout chez les jeunes, pour qui ce réformateur était porteur d'un espoir. D'un espoir de démocratisation. Oui, et ces jeunes, surtout des étudiants, ont commencé à fabriquer des dazibao. Des journaux clandestins. Et manuscrits. Des journaux qu'ils ont affichés sur les murs de Pékin et qui célébraient la gloire de Hu Yaobang. Hu le réformateur. Et évidemment. Mais à cet instant-là, à la mi-avril, personne n'imagine encore l'ampleur que va prendre ce mouvement spontané. Vraiment spontané? Au début, oui. Ensuite, on a vu éclore toute une série de mouvements contestataires, pas toujours d'accord entre eux d'ailleurs. Toutefois, avant de poursuivre, je voudrais sauter quelques années. En 2001, un mystérieux personnage se manifeste, un certain Zhang Liang. Qui est-ce? L'homme qui se cache derrière ce pseudonyme est un dirigeant très proche du pouvoir, un réformateur à coup sûr. Comment se manifeste-t-il? Il fait parvenir aux États-Unis une masse impressionnante de documents, des archives. Mais qui contiennent quoi? Il s'agit de comptes rendus, des réunions qui se sont tenues au plus haut niveau lors des événements de Tiananmen. Et c'est une sorte de première dans l'histoire du Parti communiste chinois, dont les dirigeants cultivent une véritable politique du secret. Jamais des documents aussi confidentiels n'ont été publiés à l'Ouest. Première question. Dans quelle mesure peut-on être certain de l'authenticité de ces documents? C'est effectivement un point essentiel. Et les sinologues états-uniens qui ont reçu ces archives se sont posés naturellement la question. Et alors? Après avoir méticuleusement analysé ces textes, ils ont conclu que leur authenticité ne faisait pas de doute, même s'ils ne pouvaient pas la garantir à 100%. En tout cas, ces précieuses informations collaient avec ce qu'ils avaient pu eux-mêmes collecter. Ouais. Autre question. Comment ces documents sont-ils parvenus aux États-Unis? Exactement. Une fois de plus, je ne sais pas. Mais comme vous le savez, de l'autre côté de l'Atlantique vivent de nombreux Chinois. Des intellectuels dissidents, par exemple. Et rappelez-vous, certains des manuscrits de Solzhenitsyn interdits en URSS ont pu être envoyés à l'Ouest, où ils ont été publiés. Envoyés clandestinement. Et puis, aujourd'hui, les Chinois voyagent plus facilement. En outre, il faut aussi tenir compte des moyens de communication modernes. Internet? Oui. Même si les dirigeants chinois exercent un contrôle particulièrement tatillon sur l'utilisation de la toile par leurs concitoyens. Et alors, aucune idée sur la véritable identité de ce Zhang Liang? Non. Seule certitude, étant donné la nature des documents transmis, cet homme se trouve ou se trouvait dans les tout premiers cercles du pouvoir. J'imagine que les Chinois ont dû tout mettre en œuvre pour l'identifier. Certainement. Mais à ma connaissance, il n'a pas été démasqué. Ou s'il l'a été, on s'est empressé de le neutraliser. C'est-à-dire de le faire disparaître. On ne peut pas, malheureusement, l'exclure. Mais comme je suppose que cet homme ne doit pas être tout seul, l'information aurait sans doute fini par filtrer à l'extérieur des frontières chinoises. Alors, selon vous, il y aurait un groupe de réformateurs? C'est très vraisemblable. Ouais. Des membres du parti qui essaient de secouer le cocotier. Ouais, pour en faire tomber les éléments les plus conservateurs. Naturellement. Et l'envoi à l'Ouest, alors, de ces documents d'archives, faisait partie de cet objectif? Zhang Liang, ou celui qui se fait appeler ainsi, désirait d'abord rétablir la vérité historique sur les événements de Tiananmen. Et il entendait ainsi susciter un débat à l'intérieur du parti. Un débat qui aurait forcément tourné à l'avantage des partisans de la réforme. Ça rappelle un peu ce qu'a voulu faire Khrouchtchev lors du 20e congrès du Parti communiste soviétique en dénonçant les crimes de Staline. Vous avez raison, mais qui a succédé à Khrouchtchev? Ah oui, Brejnev. Et l'URSS s'est figé pendant de longues années. Eh bien, d'une certaine façon, il s'est passé à peu près la même chose en Chine. Les dirigeants de Pékin se sont débrouillés pour étouffer l'initiative de Zhang Liang. Mais comment alors? Ils ont observé un silence très prudent. Pas question de faire état de cette affaire dans les médias. Ne serait-ce que pour critiquer son auteur. Les liaisons Internet ont été brouillées et seule la presse de Hong Kong a évoqué la publication de ces archives. Et l'unique réaction officielle des autorités chinoises a été un communiqué du ministère des Affaires étrangères dénonçant une tentative méprisable. Donc un communiqué à usage externe, si je puis dire. En effet, oui. Alors, selon vous, ce Zhang Liang a échoué? C'est ce que je pense, oui. Il n'a pas provoqué le séisme démocratique qu'il espérait. Et les dirigeants qu'il a mis en cause... Les responsables de la répression. C'est ça, oui. Ouais. Eh bien, ces responsables sont restés en place. Il y a quand même eu des changements. Beaucoup plus tard. En 2005, Jiang Zemin a dû quitter le pouvoir au profit de Hu Jintao. C'est vrai. Toutefois, ce remplacement était presque inévitable, étant donné le grand âge du premier et l'émergence de dirigeants plus jeunes qui piaffaient aux portes du pouvoir. Oui, alors pour vous, c'est une lutte entre clans. Et entre générations. Ouais. Mais fondamentalement, rien n'a vraiment changé et le système est resté aussi archaïque et sclérosé. C'est toujours le parti qui dirige tout. Et Hu Jintao ne sera pas le Gorbatchev qu'on pouvait espérer. D'ailleurs, à peine arrivé au pouvoir, il a déclaré qu'il n'était pas question de copier le modèle démocratique occidental. Alors, après cette longue parenthèse, reprenons le fil des événements. Je vous l'ai dit, les dirigeants chinois, et parmi eux le tout-puissant Deng Xiaoping, ont d'abord été complètement pris au dépourvu. Les documents de Zhang Liang ont été publiés en France en 2004 aux éditions du Félin. J'en extrais ces quelques lignes sur la genèse des événements de Tiananmen. La mort consécutive à une crise cardiaque de Hu Yaobang, dirigeant réformateur populaire le 15 avril, suffit à attiser les divisions au sein des élites et à enflammer le mécontentement populaire. Aux yeux de la direction du parti, Hu était un combattant communiste loyal et un grand révolutionnaire prolétarien, mais pour les étudiants. Il était le symbole d'une réforme libérale et d'un gouvernement intègre. Ces derniers organisèrent spontanément des activités de commémoration, utilisant la mort de Hu comme une occasion d'exprimer leur mécontentement face à la lenteur du changement politique. Ces activités s'étendirent rapidement, prenant les dirigeants au dépourvu et suscitant l'attention de l'étranger. Au début, la plupart des étudiants se montrèrent soucieux de respecter les lois ambiguës imposées par le régime en matière de liberté d'action et d'expression. Ils défilèrent plus en signe de deuil que de protestation et focalisèrent leur message sur la contribution de Hu Yaobang au parti, sur la nécessité d'accélérer la réforme politique et sur la dénonciation de la corruption. Mais nous allons le voir avec M. X, la situation va très vite évoluer. Avant de reprendre le fil des événements, encore un mot pour expliquer pourquoi Zhang Liang a échoué. Les Chinois, dans leur immense majorité, sont bien plus occupés de profiter de l'économie de marché et de la formidable croissance de leur pays que de réclamer des changements politiques. Oui, alors ça justifie leur passivité. Mais aussi leur peur. Hein. Le souvenir de Tiananmen est encore bien frais. Il faut peu de choses pour être arrêté et emprisonné. Alors, la suite. Disons que face au mouvement étudiant de 1989, les dirigeants communistes ne sont pas tous sur la même ligne. Il y a des clans, quoi. Oui, grossièrement, il existe deux clans. Les Faucons, menés par le Premier ministre, Li Peng, et le maire de Pékin, et d'autre part des Colombes, représentés principalement par le secrétaire général du parti, Zhao Ziyang. Mm-hmm. Et où se range l'homme fort, quand même, Deng Xiaoping? Oui, vous avez raison de parler d'homme fort, car Deng, bien qu'ayant officiellement démissionné de toutes ses fonctions au sein du parti, à l'exception de la commission centrale militaire, demeure de fait le numéro un. Et nulle décision importante ne se prend sans qu'il ait été consulté. D'ailleurs, les dirigeants chinois, quand ils ont à prendre ce genre de décision, se déplacent jusqu'à son domicile. Une courte parenthèse ici. L'historien Jean-Philippe Béja, dans son ouvrage intitulé « À la recherche du nombre chinoise », rapporte une déclaration de Deng Xiaoping qui provient directement des archives de Zhang Liang. Je cite. Bien que je n'ai jamais été officiellement numéro un dans le parti, tout le monde s'accroche à moi et me témoigne du respect. C'est moi qui dois approuver toutes les décisions importantes. J'ai un poids trop lourd sur les épaules et ce n'est bon ni pour le parti ni pour l'État. Il faut que je songe à démissionner, mais comment puis-je me retirer en ce moment? Bref, Deng reconnaît ce défaut institutionnel, mais n'envisage nullement de le corriger. Toutefois, Deng Xiaoping feint de ne pas exercer tout seul le pouvoir. C'est une histoire très curieuse. Mais je vous écoute alors. Hein. Il a regroupé autour de lui quelques anciens. 8 exactement. Les anciens du parti. Oui, mais pas forcément des personnages de premier plan. Hein. Ces hommes qu'on appelle ironiquement les 8 immortels ont bien sûr été personnellement choisis par Deng lui-même. Et c'est ce groupe qui décide de tout, surtout lorsqu'une situation délicate l'impose. Donc ce conseil des anciens, alors, passe par-dessus le gouvernement. Et même au-dessus des organes dirigeants du parti. Mmh. Et est-ce que ces anciens, regroupés au sein d'un conseil, là, ont une existence constitutionnelle? Aucunement. Cependant, c'est ce collège informel qui exerce réellement le pouvoir. Un collège où, évidemment, Deng Xiaoping tient la première place. Mmh. Excusez-moi, mais ça me paraît complètement extravagant, cette histoire. Oui, bon, je suis d'accord avec vous, mais telle est la réalité. Autre point, qui n'est pas moins étonnant, et va occuper une grande place dans la suite des événements. Deng Xiaoping, à chaque fois que se présente une importante question à trancher, reçoit donc la visite des dirigeants du parti et du gouvernement. Oui, il donne son avis. Oui, enfin, un avis qui est un ordre. Et immédiatement, cette sentence est mise en forme et publiée en tant qu'éditorial dans le journal Le Quotidien du Peuple. Oui, c'est quasiment le journal officiel du parti. Mais pourquoi est-ce important dans notre affaire? Ben parce que c'est un éditorial de ce quotidien qui va exprimer la pensée de Deng Xiaoping et donc décider de la suite des événements. Alors, que dit ou qu'écrit Deng dans cet article? N'allons pas trop vite. Les étudiants profitent donc des obsèques de Hu Yaobang pour se rassembler sur la place Tiananmen, au lieu de la Chine communiste. À cause de la présence en particulier du mausolée de Mao. Hein. Et ils demandent, vous le savez, plus de démocratie et surtout des mesures plus actives contre la corruption des dirigeants à tous les niveaux, locaux ou nationaux. Pour autant, ils ne sont pas fondamentalement hostiles au régime. Mais une minorité va plus loin et met en cause le système. Ah, ça, c'est déjà plus grave. Hein? Oui, d'autant que les manifestants qui campent sur la place Tiananmen sont de plus en plus nombreux. Des dizaines de milliers. Alors, je vous repose la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Que pense Deng Xiaoping de ce mouvement? Dans un premier temps, il partage l'avis du secrétaire général du parti, Zhao Ziyang. Ces étudiants sont bien gentils et, à l'exception des plus agités, ils ne menacent ni l'ordre, ni le pouvoir. Mais Zhao quitte Pékin pour une visite officielle en Corée du Nord. Et il va être absent une bonne semaine. Ce dont va profiter Li Peng. Li Peng le faucon. Oui. Donc Zhao Ziyang a commis une erreur en n'annulant pas son voyage. Très certainement. Car le Premier ministre profite de son absence et tente une véritable manœuvre de désinformation. Il affirme, devant le bureau politique, détenir des renseignements très inquiétants sur le mouvement des étudiants. Ceci serait manipulé par une minorité agissante qui veut, tout simplement, détruire le Parti communiste. Ensuite, il se rend chez Deng et il développe les mêmes arguments. Et un peu plus tard, il prétendra aussi voir la main de l'étranger derrière les principaux leaders étudiants. Quelle main étrangère, en l'occurrence? La CIA, bien sûr. Ah, il y a longtemps que vous ne m'aviez pas parlé des Américains. Ah, vous regrettez? Non, je note simplement. En tout cas, dans l'affaire présente, je ne crois pas à l'intervention de la CIA, même si certains intellectuels exilés aux États-Unis ont naturellement soutenu le mouvement étudiant. Et ils auraient pu être manipulés par la CIA? Pourquoi pas? Mais ça n'a certainement pas joué un grand rôle. Alors, si vous voulez bien, je continue. Deng Xiaoping a-t-il été convaincu par Li Peng? Quoi qu'il en soit, le lendemain de cette visite au domicile de Deng, le quotidien du peuple publie un éditorial très violent contre les étudiants. Ah oui, c'était un éditorial dont vous avez parlé. C'est donc, si je vous ai bien suivi, Deng qui s'exprime. Hein. Et qui fixe la ligne officielle. Le mouvement étudiant est une rébellion contre-révolutionnaire et un complot contre le régime. Une condamnation sans appel. Là. Et qui choque les étudiants. Et pas seulement les étudiants. Dès le lendemain. Attends, on est quand là? Fin avril. Ah bon. Donc, dès le lendemain, de grosses manifestations de protestation sont organisées dans plusieurs grandes villes du pays. Et à Pékin même, les étudiants forcent les barrages policiers qui entendaient leur refuser l'accès à la place Tiananmen. C'est l'épreuve de force? Pas encore. Mais la situation s'est sérieusement dégradée. Et Zhao Ziyang en prend conscience dès son retour de Corée. Mais que peut-il faire? C'est un homme conciliant, un homme de dialogue. Et il tente de reprendre les choses en main. Oui, mais ça risque de l'amener à se confronter directement avec Deng Xiaoping. Cependant, il pense encore posséder assez d'influence pour retourner la situation. Mmh, d'influence auprès de Deng. Oui, mais de l'autre côté, Li Peng fait valoir qu'opérer une marche arrière risquerait de saper l'autorité de Deng Xiaoping en particulier et des autorités en général. Ah, et ça, c'est un argument fort. Oui, car maintenant, Deng Xiaoping peut difficilement reculer. Alors, la question se pose. Le numéro un chinois, a-t-il été piégé par les faucons et cette désinformation opérée par Li Peng? Ou bien a-t-il choisi sciemment la possibilité d'utiliser la manière forte? Alors, votre avis? Si vous le voulez bien, je répondrai un petit peu plus tard. Ah oui, encore un peu de mystère, quoi. On va commencer à me connaître, non? Enfin, passons. Ce qui importe, c'est que Zhao Ziyang peut alors croire qu'il est en mesure d'imposer sa ligne réformatrice. Et donc pacifiste? Oui, car il est suivi par la majorité du bureau politique. Ouais. Mais, m'avez-vous dit, au-dessus de ces instances politiques, il y a Deng Xiaoping et son conseil des anciens. Et pour eux, il n'est pas question de négocier avec les rebelles étudiants. Deng impose donc son veto. Et dans ces conditions, on se dirige tout droit vers le drame. Je reviens au livre de Jean-Philippe Béja, La recherche d'une ombre chinoise, qui est un essai sur le mouvement pour la démocratie en Chine. Le sinologue analyse l'attitude des structures étudiantes en 1989. Malgré leur inexpérience, les étudiants parviennent, dès le début du mouvement, à un consensus stratégique sur l'absence de représentativité des organisations étudiantes officielles et sur la nécessité d'obtenir que le gouvernement reconnaisse les organisations qu'ils ont fondées. Il s'agit pour eux de se constituer en acteurs politiques. Cela équivaut à exiger du pouvoir qu'il autorise la société à s'organiser en dehors de son contrôle, c'est-à-dire qu'il renonce à son hégémonie sur les champs politiques et sociaux. En d'autres termes, rien moins que de changer de nature. C'est l'élément nouveau du printemps de la démocratie de 1989, et il a été immédiatement perçu par les dirigeants conservateurs du parti, qui ne cessent de dénoncer la création d'associations illégales par les étudiants. Le veto opposé par Deng Xiaoping aux propositions de Zhao Ziyang d'entamer le dialogue avec les étudiants provoque immédiatement une réaction de ces derniers. Le 13 mai 1989, ils décident d'entamer une grève de la faim. En même temps, il faut le noter, le mouvement s'étend. Oui, aux autres universités du pays. Mais... La contestation gagne surtout d'autres secteurs, des citadins, des artisans et même des paysans et des entrepreneurs privés. C'est un vaste mouvement de ras-le-bol qui se fait jour. Ras-le-bol des fonctionnaires corrompus, des syndicats officiels, des abus de pouvoir, des cadres du parti. Ah ouais, c'est tout le système qui met en cause là. Et incontestablement, le pouvoir prend peur. Cela coïncide en outre avec une visite de Gorbatchev à Pékin. Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et de la glasnost. Oui, ça donne des idées aux contestataires. À la veille de l'arrivée du numéro 1 soviétique, qu'on manifeste un peu partout dans le pays. Et à Pékin, ils sont 1 million à envahir la place Tiananmen. C'est considérable, hein. C'est un véritable camouflet. Même à l'échelle de la Chine. Oui. Un véritable camouflet, disais-je, pour les autorités chinoises. Songez qu'en raison de ce désordre, Gorbatchev sera empêché de traverser le centre de la capitale comme le prévoyait le programme officiel de sa visite. Et là, comme on dit là-bas, les autorités perdent la face. Ah oui, et cela n'est plus supportable pour les caciques de la direction. En même temps, il faut bien dire que les étudiants ont sans doute raté une occasion. Expliquez-moi ça, là. Mal structuré. Il y a plusieurs organisations qui tirent à Hu et à Diaï. Ils auraient dû s'engager franchement du côté des réformateurs du parti. Comme Zhao Ziyang. Oui, mais un peu naïvement, ils ont voulu préserver la pureté et l'indépendance de leur action. Ouais. Ça n'a pas de compromission avec les hommes au pouvoir, fussent-ils réformateurs. C'est ça, oui. Et en agissant ainsi, ils se sont condamnés eux-mêmes. Mais ils ont aussi perdu les dirigeants qui étaient susceptibles de leur venir en aide. Et ça va aller très vite. Dans le secret de son conseil des anciens, Deng Xiaoping a déjà décidé de démettre Zhao Ziyang de son poste de secrétaire général du parti. Zhao Ziyang, qui, dans un dernier sursaut, se rend sur la place Tiananmen et exhorte en vain les étudiants à regagner leurs universités et à cesser leur grève de la faim. Une grève qui suscite une immense émotion dans la population. Une population solidaire. Au cri de « ne laissons pas mourir nos étudiants », les Pékinois descendent dans la rue par centaines de milliers. Et sur la place, c'est un vrai ballet d'ambulance, au milieu des tentes sous lesquelles les grévistes sont alités. Mais revenons à la situation politique. Hein. Zhao Ziyang est démis, ce que vous avez dit. Hein. Mais que lui a-t-il? Il sera rapidement placé en résidence surveillée. Il n'en sortira qu'en 2005, les pieds devant. Quant à son principal conseiller, Bao Tong, il ne tarde pas à être envoyé en prison. Ouais. C'est donc le Premier ministre Li Peng qui a gagné. Hein. La ligne dure l'a emporté, oui. Il faut ajouter que tous ces mouvements d'appareil se font dans le plus grand secret. L'opinion chinoise n'est pas informée. Et même Zhao Ziyang n'apprendra pas tout de suite que Deng et les anciens ont décidé de le démettre. Ouais. Et sur le terrain? Les étudiants campent toujours sur la place Tiananmen. Et ils poursuivent leur grève de la faim, tandis que dans plusieurs grandes villes, on manifeste sa solidarité avec les opposants de Pékin. Partout, c'est le même refrain. La priorité, c'est la démocratisation du régime. Mais déjà, Li Peng, cornaqué par le Conseil des Anciens, a pris sa décision. Ce sera le recours à la force. Et dans la nuit du 19 au 20 mai, il annonce au pays que la loi martiale va être appliquée à Pékin. Réaction des étudiants? Ils ne sont guère impressionnés, essentiellement parce qu'ils sont certains de disposer du soutien de la population. Et effectivement, dès le lendemain, les Pékinois bloquent les camions de l'armée qui se présentent à la périphérie de la ville. Mieux, Il se sert de ses camions pour barrer les principaux axes de circulation dans la capitale. Cela signifie donc que les autorités, à ce moment-là, ne contrôlent plus la ville. Et les soldats, comment se comportent-ils? On observe de nombreuses scènes de fraternisation entre les militaires et les manifestants. Et le commandant chargé de faire appliquer la loi martiale s'empresse de déclarer que l'armée n'est pas là pour réprimer les étudiants, mais seulement pour rétablir l'ordre. Mais, bien sûr, ça ne suffit pas à calmer l'ardeur des manifestants qui se rassemblent par centaines de milliers soir après soir. À Pékin, mais aussi à Canton ou à Hong Kong. Alors c'est l'impasse. Et le pouvoir semble même reculer. Li Peng se fait très discret. Et les troupes massées autour de Pékin se replient à distance. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Le pouvoir joue la montre? C'est évident. Et les dissensions apparaissent dans le camp des étudiants. À propos de quelle question, hein? Certains, les plus lucides, ne doutent pas que l'armée finira par intervenir. Et ils proposent de refluer vers les universités. Et cela, c'est ce qu'ils vont faire? Cela, oui. Ouais. Et la place Tiananmen commence à se vider. Au même moment, il se produit un incident curieux. Des manifestants maculent de peinture l'immense portrait de Mao qui est accroché sur la place. Est-ce que c'est ça, une provocation? Presque certainement, oui. Et les étudiants appréhendent eux-mêmes les auteurs du sacrilège et les remettent à la police. Ils sont bien sages, ces étudiants. Oui, toutefois, ça ne suffit pas à leur valoir la clémence des autorités. En fait, dans l'ombre, le pouvoir se prépare à recourir à la force. Et de nombreux signes le montrent. Par exemple? Des dirigeants d'une organisation ouvrière sont arrêtés. Des opposants? Bien entendu. Et puis on assiste à quelques manifestations de soutien au gouvernement. Des manifestations spontanées? Alors ça, j'en doute. Au cours de l'une d'elles, on brûle en effigie le portrait du célèbre savant chinois, Fang Lizhi, celui qu'on a appelé à l'étranger le Sakharov chinois. Ouais. L'ennemi est donc clairement désigné, hein, c'est le réformisme. En fait, vous avez évoqué le limogeage du réformateur Zhao Ziyang, mais j'imagine qu'il a été remplacé. Ben forcément. Et là encore, c'est Deng Xiaoping qui décide. Contre toutes les règles constitutionnelles en vigueur, il choisit tout seul un certain Jiang Zemin, qui était jusqu'alors un dirigeant du parti à Shanghai, dont Deng, secrètement, veut faire son successeur. Et Jiang Zemin qui restera au poste de secrétaire général jusqu'en 2005. C'est exact. Quoi qu'il en soit, au tout début du mois de juin, la situation se tend dangereusement. Dans la nuit du 2, on voit des milliers de soldats en uniforme, à pied, mais sans armes, qui convergent vers le centre de Pékin. Ouais, bizarre, hein? Oui, et si vous voulez mon avis, il s'agit d'une démonstration purement psychologique qui vise à montrer aux habitants de la capitale que l'armée est omniprésente. Conséquence, en tout cas, les Pékinois descendent une nouvelle fois dans la rue et font en sorte d'obliger ces soldats à faire demi-tour. Au cours de la même nuit, la télévision diffuse des communiqués demandant aux habitants de la capitale de rester chez eux. Ce qu'ils font? Bien sûr que non. Mais la tension est désormais palpable. On devine que le dénouement est proche. Et dès le lendemain, la troupe ouvre le feu sur la foule dans une avenue qui mène à Tiananmen. Ouais, on est loin de la fraternisation dont vous parliez précédemment. Hein. En effet. Ouais. Et que s'est-il passé là pour que l'armée change? D'après ce que l'on a appris plus tard, Deng en personne a quitté peu de temps Pékin pour aller voir les chefs militaires. Ah oui, s'assurer de leur fidélité. Bien sûr. Il a effectivement obtenu qu'ils obéissent à ses ordres. En tout cas, cette première et sanglante fusillade n'est que le prologue de ce qui va se passer. Le massacre de Tiananmen. Hein. Au petit matin, le 27e corps d'armée entre sur la place. Les soldats demandent aux étudiants d'évacuer le lieu, leur promettant la vie sauve s'ils obéissent. En réalité, beaucoup d'étudiants ne pourront pas profiter de cette promesse et ils finiront écrasés par les chars ou fusillés. Combien de morts? Exactement, on ne sait pas. Les cadavres ont été prestement évacués. D'autres ont même été brûlés par les soldats. Alors, combien de morts? 2000, 3000, peut-être plus. Et malgré les manifestations de protestation qui se déroulent dans tout le pays, on va assister à une véritable chasse à l'homme contre ceux que les autorités communistes appellent les meneurs contre-révolutionnaires. Certains d'entre eux sont même fusillés sur le champ. Le pouvoir a donc complètement triomphé. Et le nouveau secrétaire général du parti communiste, Jiang Zemin, qui a été en fait nommé un mois plus tôt par le Conseil des Anciens, peut enfin apparaître au grand jour. Quant à Deng Xiaoping, au cours d'un discours prononcé fin juin, il déclare tout bonnement que la politique d'ouverture mise en place il y a 10 ans doit continuer. Et il en profite pour dénoncer la corruption au sein du parti et des organes dirigeants. Ouais, et un joli cynisme quand même. Alors, pour reprendre vos propres termes, Deng a-t-il été piégé par les faucons? À l'évidence, non, même si la fin de l'être. En réalité, c'est lui qui a mené le jeu du début à la fin. Lui qui a profité de la crise du printemps de Pékin pour écarter un certain nombre de dirigeants peu fiables et mettre en place son favori, Jiang Zemin, un homme dont il était sûr. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que c'est Deng Xiaoping qui a radicalement transformé la Chine en y introduisant l'économie de marché. Certes. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, démocratisation pour Deng et les siens. La liberté de commercer, de produire et même de s'enrichir ne pouvait exister que sous la férule du Parti communiste. Et c'est là le véritable paradoxe de cet étrange pays communiste où l'on peut faire de si bonnes affaires et même devenir milliardaire. Je vous rappelle la parution récente des archives de Tiananmen aux éditions du Félin, un ouvrage dans lequel j'ai trouvé ce passage tout à fait explicite. Le 2 juin 1989, 24 heures avant le massacre, Li Peng, le premier ministre, comparaît devant le Conseil des Anciens et donc devant Deng Xiaoping. Il y déclare ceci. Il est de plus en plus clair que ces troubles sont le résultat de la collusion entre des forces réactionnaires à l'étranger et en Chine et que leur objectif est de renverser le Parti communiste et de subvertir le système socialiste. Alors, le vieux Wang Zhen, un ancien paysan, vétéran de l'armée populaire, explose. Nom de Dieu, les salopards, pour qui se prennent-ils pour oser piétiner pendant si longtemps un lieu sacré comme Tiananmen? Ils cherchent la mort ou quoi? Camarade Xiaoping, nous devons immédiatement envoyer les troupes pour qu'elles s'emparent de ces contre-révolutionnaires. Qu'attend l'armée populaire de libération? Qu'attendent les soldats de la loi martiale? On ne va pas les nourrir à ne rien faire. Qu'ils cessent de manger et aillent s'emparer des contre-révolutionnaires. Si nous ne le faisons pas, nous en garderons des regrets éternels. Si nous ne le faisons pas, le peuple se rebellera. Quiconque veut renverser le Parti communiste mérite de mourir sans sépulture. Je vous indique aussi qu'un gros bouquin vient de paraître chez Fayard, une biographie de Mao Tse-tung par Philippe Shaw.